présentez-vous et le parcours que vous avez eu avant le service. Avant le service civique. Donc, je m'appelle Molly. Je suis en service civique depuis avril. Avant ça, j'ai fait une licence de psycho que j'ai eue en 2017. Entre deux, j'ai pas mal voyagé. Donc, pendant un an et demi, j'ai voyagé. J'ai fait des petits boulots par-ci, par-là. Je me suis un peu cherchée. Comment est-ce que tu as connu le service civique ? Moi, du coup, après ma licence, j'avais cherché quelque chose à faire, autre que le master qui suivait forcément le truc. Et j'étais tombée sur le site du service civique, donc du coup je me suis renseignée là-dessus, et donc du coup c'était vraiment par internet. Et pourquoi est-ce que du coup tu as décidé de faire cette mission-là ? Parce que ça va vraiment avec mon projet pro, ça va me donner une expérience dans exactement ce que je veux faire plus tard. Du coup, est-ce que tu peux présenter ta mission, ta place dans la structure ? Donc du coup, je suis en service civique à la MJC de Vire, mais je suis basée à la base de loisirs de la Datée. Donc je passe mes journées à la Datée et ma mission, c'est de développer des activités nature. Donc en gros, c'est de la sensibilisation autour de l'environnement, de la faune, flore, de la Datée, donc les oiseaux, les insectes, les poissons, les arbres, les plantes, tout ça. Est-ce qu'il y a un projet que tu as déjà mis en place auquel tu aimerais un peu expliquer voilà, comment tu... On est en train de monter un projet de signalisation autour de la réserve ornithologique de la Datée. Donc c'est-à-dire des panneaux qui expliquent à quoi sert cette réserve, ce qu'il y a comme espèce dedans. Donc c'est assez intéressant parce qu'on va travailler avec le lycée agricole des champs de Tracy, normalement. Enfin, c'est prévu. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses faire après ton service civique ? Il y a un BTS agricole qui m'intéresse, qui s'appelle Gestion et protection de la nature. J'aimerais bien le faire en alternance. J'attends des réponses de post-alternance, en fait. Sinon, il est peut-être question de rester à la MJC en faisant un PEC, un POC. Parcours emploi compétences. Et de faire une formation avec ça. J'avais déjà entendu parler par Mathéo. Ouais, c'est ce qu'il va faire, lui. Ou qu'est-ce que tu penses du tutorat, pas forcément de ton tuteur, mais du rôle du tuteur? Ouais, du coup, c'est un peu particulier parce que mon tuteur, c'est Xavier, le directeur de la MJC. Mais comme je suis jamais à la MJC, en fait, j'ai Ghislain et Sébastien aussi, qui sont mes collègues de la Datée, qui ont un peu ce rôle aussi, un peu de m'aiguiller et de m'encadrer un petit peu. Moins que Xavier. Enfin voilà, c'est un peu bizarre, ce mélange entre les trois, quoi. Mais moi, ça me va. Je trouve qu'on nous laisse libre de faire un peu ce qu'on veut. Enfin, c'est mon ressenti, en tout cas. Et est-ce que plus tard, dans ton futur métier, s'il y a des serviciers qui se mettent en place, est-ce que toi, tu aimerais avoir ce rôle de tuteur ou pas ? Oui. Et pourquoi t'aimerais avoir ce rôle-là ? Moi, j'aime bien encadrer, j'aime bien éduquer, enseigner, tout ça. C'est ce que je veux faire un peu dans mon métier de plus tard. Et donc, du coup, ça rentre un peu là-dedans, dans de l'encadrement, moins d'éducation, mais moi, j'aimerais bien aider un jeune à trouver ce qu'il veut faire de sa vie. Est-ce que tu aimerais faire une SVE ou pas, si t'en avais l'occasion ? J'y ai pensé, et ça pourrait être intéressant. Après, il me semble que c'est jusqu'à 30 ans. 30 ans. Pourquoi pas dans le futur, je verrai. C'est quelque chose de très intéressant, je trouve. C'est une bonne opportunité de bouger un peu, de voir la vie quelque part d'autre. Donc pourquoi pas. Et tu irais plus vers quelle destination si tu le faisais ? Moi, j'aimerais bien l'espagnol. J'essaye d'apprendre l'espagnol depuis 2 ans, mais ça marche pas. Mais mais je sais pas, j'y arrive. Je pense que je me mets pas dedans, en fait. Je m'y consacre pas assez de temps. Et donc, du coup, si j'étais en Espagne, du coup, j'apprendrais bien mieux. C'est sûr, t'as pas le choix. Ouais. Ouais. Donc, l'Espagne, je pense. Imaginons que cette mission-là, elle n'existe pas, et puis la mission que t'aimerais faire. J'aurais bien aimé faire dans l'événementiel. J'ai jamais voulu faire ça, mais je trouve ça intéressant, et enfin, je pense que ça serait... Ou je sais pas, quelque chose d'historique. Enfin, je sais pas si... Comme Pierre. Ouais, comme le mec de Flair. Ça, c'était cool. Ouais, donc peut-être une mission autour de l'histoire d'un... Alors, nous avons rencontré un petit monsieur qui s'appelle Pierre, qui est en service civique. Et sa mission, c'est de créer un livret autour de l'histoire de son village. Et je trouve ça super intéressant et j'aurais bien aimé faire ce genre de truc si j'avais pas trouvé. Là, les deux dernières questions, C'est plus sur ton ressenti actuel. Parce que pour Rémi, ça marchait bien vu qu'elle part dans 2 semaines. T'es pour l'instant comparé à avant que tu commences. Des connaissances dans le domaine de la nature, de l'écologie, tout ça, tout ce que j'ai appris sur, tout ce que j'ai appris sur les oiseaux, sur les arbres, surtout les oiseaux, enfin, c'est dingue. J'ai travaillé avec le monsieur qui est le responsable de la réserve ornithologique, donc du coup il m'a appris tellement de trucs et ça c'est trop bien, des noms d'oiseaux et tout. Donc des connaissances. Et puis après, enfin, j'ai pris confiance en moi, quoi. Enfin, forcément, quand on se retrouve devant un public et qu'il faut leur apprendre des trucs, même si c'est des enfants, voilà, au début ça fait un peu peur, mais après, oui, voilà, connaissance et confiance. Et du coup, pour finir, quel souvenir, enfin, quel souvenir ou plusieurs souvenirs tu vas garder du service civique? Alors, il y a une matinée où j'étais dans la réserve ornitho avec Stéphane, ce fameux monsieur génial. Et c'était dingue parce que personne ne va jamais là-dedans. On a vu tellement d'espèces. Il y avait des milliers de crapauds, enfin non, de grenouilles partout. C'était génial de nous les attraper dans nos mains et tout. C'était trop bien. Donc ça, bon, c'était 1 heure un matin, mais c'était génial. C'était trop, trop bien. Et sinon, je pense que je retiendrai ma première semaine avec les scolaires. Parce que c'était la première semaine, enfin bref, la première semaine que moi j'avais eu des scolaires, le premier groupe que j'ai eu un groupe de 6 ou 7 et c'était trop chouette. J'avais mon petit groupe tous les jours et on avait un thème par jour. C'était cool, on apprenait à se connaître et tout. C'était chouette. Fini. On a terminé. Fini!